Je savais même pas c'était bon. Mais j'ai jamais dit des mots. On m'a couru dans la mort. Showcase dans la night, mais attends-moi. Bébé, attends-moi. Peut-être que sur ce, je reviens pas. LV Dolce Gabbana, je donne 3-4 balles dans le mois. Au fond, j'ai mal, mais ça, je le garde en moi. Y'aura toujours des balles, donc plus de traitement. T'es pas un voyou, non. T'es juste un gentil garçon qui veut le faire. J'ai mon avenir dans les mains. J'espère toujours la tête, je commence à en faire. Mais tu fais un point comme un exemple. Ça vous dépasse, ça me fait peur. Mais l'instant, je vais mettre la totale. Ça fait de l'essence, et j'espère. Qu'un jour, on sera meilleur. Faut partir à bien, Inch'Allah. Souvent de mauvaise humeur. Faut que je m'éloigne des sales chiens, des palas. J'avais besoin de toi, t'étais pas là. Y'a de la gueule trop et des calas, faut pas te raconter mal. Posé dans le gamot, faut faire plus de chiffres par mois. J'suis cramé, je veux faire un million par mois. Posé dans le gamot, faut faire plus de chiffres par mois. J'suis cramé, je veux faire un million par mois. J'suis dans mon coin, moi j'reste calme, tu crois tout savoir, mais t'es bête. Tranquillement, j'croise un fan, il me dit t'es pas comme ceux qui se la pètent. J'la ramène au télo, j'lui fais montrer c'est qui la bête. Moi j'parle pas trop, j'monte le sourire avant que ça pète. Resserre un verre, j'ai mal à la tête. Au lieu qu'on tourne en rond, on vient, on fait le tour de la planète. Crois-moi qu'elle va se coller si elle a vu la patate. On va tout prendre, tu vas fumer la plaquette. T'as jamais fait les choses, arrête un peu de tomber, c'est maman sans ton père. Faut que tu restes solide, je me bats pour la.